La circulation dans ce carrefour est réglée par des feux tricolores. Le signal est en vert, je peux passer. Le véhicule qui vient de face bénéficie lui aussi d'un feu vert. Il circule sur une chaussée à sens unique et s'est placé dans la voie de gauche. En tournant sur sa gauche, il doit alors respecter le régime de la priorité à droite et me laisser passer. Réponse A.